sont sortis du lycée comme on s'enfuit d'un couvent. Leurs copains avaient rendez-vous dans un café, mais ce soir, ils se sentaient différents. Il a prétexté une compo à réviser. Elle a dit qu'elle devait rentrer à cause de ses parents. Quelqu'un s'est moqué d'eux gentiment. Elle est partie devant et il l'a retrouvée à la station Porte d'Orléans. Encore un métro qui passe. Encore un métro qui passe. Sylvie aime Jonathan. Il la tient par la main, comme s'ils étaient au cinéma. Il dit que les autres doivent se douter de quelque chose, mais elle s'en fout complètement. Elle est si bien dans ses bras. Sur le quai d'en face, il y a une affiche de voyage. Une plage avec du sable blanc. Il lui dit qu'il l'emmènera, mais il ne sait pas quand. Ils sont là sur un banc, évadés dans un rêve, à la station Porte d'Orléans. Encore un métro qui passe. Encore un métro qui passe. 13 et 14 ans. Sortie du lycée. Rendez-vous dans un café. Station Porte d'Orléans. Sylvie aime Jonathan. Encore un métro qui passe. Mais ils s'en moquent, ils s'embrassent. Pour eux, ils ont tout leur temps. Encore un métro qui passe. Demain, on saura en classe que Sylvie aime Jonathan. Encore un métro qui passe, qui